parler de football, on sait que c'est le temps de la période où est-ce que les joueurs recrutent des nouvelles institutions pour la saison prochaine. On a parlé de Charles-Émile Bouchard de Saint-Félicien qui va maintenant s'aligner dans un collège de Québec. Il y a maintenant une autre information qui est sortie hier, c'est que Alexandre Voisine a signé avec les Cougars de Chicoutimi. Et pour en savoir davantage, ben, on rejoint le nouvel instructeur des Cougars de Chicoutimi, Nick Menacci. Bonjour, Nick. Bonjour. Nick, si on parlait d'abord de l'acquisition d'Alexandre Voisine. Oui, Alexandre est une grosse acquisition. Alexandre était ma priorité numéro un, je vous dirais, à l'offensive, même dans mon recrutement en entier. Alexandre, c'est un jeune que j'ai vu jouer beaucoup cette année. Okay. Un jeune avec des qualités athlétiques incroyables, puis un jeune homme qui est super après l'avoir. Ok. Comment vous entendez l'utiliser? Comment j'entends l'utiliser? Ça, c'est une bonne question à ce temps-ci de l'année. Alexandre, la beauté de la chose, c'est que Alexandre peut lancer. Et Alexandre peut également faire mal aux défensives adverses avec ses jambes, donc il peut courir. Donc, il y a un système qui va se faire aussi autour d'Alexandre, ce qu'on appelle un peu du spread offense au football, où on va utiliser les qualités athlétiques d'Alexandre au maximum. C'est sûr qu'on va le mettre dans des positions de réussite. Puis ça, ben, il est capable de le faire aussi par lui-même. Une fois que, avec un système de jeu qui est adapté aussi à son style à lui, Alexandre va pouvoir faire des miracles. Est-ce que la première année, est-ce qu'un gars comme Alexandre Voisine peut évoluer dès la première saison comme cas partant des Cougars? Absolument. Alexandre va compétitionner dès la journée numéro 1 pour le poste de carrière numéro 1 au sein des Cougars. Ça, c'est clair et net. J'ai aucun doute. OK. Donc, est-ce qu'il vous reste, parce que je sais qu'actuellement, il y a Charles-Émile Bouchard qui est parti, il y a également, hier, Alexandre Voisine a fait son choix, où on attend les choix de William Saint-Pierre et également de Philippe Lavoie. Est-ce que vous travaillez en amont sur d'autres signatures pour les joueurs du Haut-du-Lac? Oui, absolument, on travaille fort pour les joueurs du Haut-du-Lac. En ce moment, on travaille fort avec Philippe Payeux, William Lévesque, qui sont des gars de Tolbeau aussi, si je ne me trompe pas. On a d'autres gars aussi d'Alma, des gars du Lac Saint-Jean, des gars de Saint-Félicien aussi. J'ai des joueurs en fin de semaine qui ont visité des joueurs de Saint-Félicien. Donc oui, on est en ce moment, on recrute beaucoup au niveau du Lac Saint-Jean parce que sur trois équipes dans la Ligue Division 2, dans la Ligue Québec, Chaudière-Appalaches, il y a une équipe qui vient d'Alma, puis l'autre équipe est de Saint-Félicien. Donc automatiquement, c'est important pour moi d'aller travailler dans le Haut-du-Lac parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, surtout dans le coin de Saint-Félicien, qui a un beau marché. Il y a vraiment, l'équipe est bien dirigée par Kevin Tremblay ici, effectivement. Je reviens sur Alexandre Voisine, une question qui m'avait échappé. Un carrière du Lac-Saint-Jean évolué dans une équipe du Saguenay, ça n'a pas arrivé tellement souvent. Oui. Est-ce qu'il y a une guerre de clochers même dans les équipes sportives? Ben, c'est pas nécessairement qu'il y a une guerre de clocher, c'est surtout un peu aussi par le fait de la proximité. Alexandre est un gars de Tolbeau. Ouais. Il a joué son football à Alma. Donc, de réussir à sortir un gars de là, pour moi, c'est une fierté, c'est une réussite, absolument. C'est quelque chose que je voulais faire. Hein. Puis Alexandre, en plus, c'est un joueur que je voulais beaucoup dans mon équipe. Je suis content vraiment qu'il ait fait ce choix-là, mais oui, il y a des guerres de clocher, c'est normal. On est trois équipes dans notre région qui jouent dans la même ligue, une équipe à Alma, une équipe à Chicoutimi, une équipe à Jonquière. Donc, on est trois équipes à disputer les mêmes joueurs. Là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça joue du coup un peu dans le recrutement, mais je pense que tu sais, avec Alexandre, ben, il venait combler aussi un besoin dans mon équipe. Là. L'année passée, avec les Cougars au niveau de l'attaque par la passe, ça a été difficile. Donc, moi, Alexandre, il vient combler un besoin immédiat. Moi, je lui ai dit à lui-même, c'est à court terme, à moyen terme et à long terme, Alexandre, il représente quelque chose de très, très, très positif pour le CGP. OK. C'est quoi le pitch de vente de Nick Menacci? Là? Parce que les Cougars, si je m'abuse, ça a mal fini. Il y a eu la fin d'année, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, vous êtes à votre première saison à la barre des Cougars, oui, effectivement. Martin a fait tout un travail, mais à la fin, je pense qu'il est arrivé des petites mésaventures. Donc, vous avez un programme de football à rebâtir aussi. Là. C'est quoi le pitch de vente de Nick Menacci, compte tenu de la fin d'année et de la prochaine saison? Oui. Ben, justement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est vraiment tourné vers le futur. On est tourné le présent, le futur. Moi, puis j'ai mis une croix sur ce qui s'est fait des années d'avant. Je veux dire, Martin a été ici pendant presque 5 ans. Je veux dire, il a amené des joueurs ici, il a amené l'équipe à des finales du Vol d'Or, il a amené l'équipe à des hauts niveaux. Maintenant, j'ai des gens autour de moi, j'ai une équipe, j'ai des gens comme Jean-Pierre Bolduc, des gens comme André Archer qui sont autour de moi, j'ai une équipe de gestion, des gens qui sont là, formidables, qui sont proactifs, qui sont vers l'avant. Donc, en ce moment, on recrute beaucoup. J'ai beaucoup de joueurs qui ont signifié leur intention de s'en venir jouer ici, des joueurs d'impact, beaucoup de joueurs d'impact. Moi, je parle pas, je refuse de parler de reconstruction. Ouais, okay. Et je parle un petit peu plus de transition, j'essaie de faire, mais en même temps, c'est même pas une question de transition, on recommence. L'année 2016 est une année nouvelle. L'année 2016, pour moi, est comme une renaissance pour les Cougars. Ça recommence en 2016. Okay. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là, on est dans la nouvelle saison. Est-ce que vous avez eu des discussions avec William Saint-Pierre et également Philippe Lavoie? Ces deux joueurs, bon, selon certaines rumeurs, ils s'en iraient tous les deux dans la région de Québec. C'est pas encore confirmé. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Mais est-ce que vous avez eu des pourparlers avec William Saint-Pierre et également Frédéric Lavoie? Moi, je suis allé, dans le fond, je suis allé les voir à la polyvalente à Villebrequin. Okay. Je suis allé voir les joueurs finissants des Lynx. Et William et Philippe avaient des... Je pense qu'il y avait... Si je ne me trompe pas, Philippe a un frère qui joue à l'extérieur de la région, qui joue à Limoilou, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y avait il était attiré aussi vers des plus hauts niveaux. Je suis capable de comprendre ça. Ils m'ont signifié qu'ils ne viendraient pas ici au Cégep de Scoutini. Puis, faut être capable de comprendre aussi que il y a des joueurs qui veulent aller jouer à l'extérieur, qui veulent le faire. Il y a des bons joueurs dans la région qui peuvent jouer dans la division 1, dans la division 2. Je pense c'est deux très bons joueurs, je le dis en passant. C'est des joueurs qui pourront sûrement tirer leur épingle du jeu, peu importe le calibre où ils vont jouer. Puis moi, dans le fond, la meilleure des choses que je fais, c'est une fois qu'ils me signifient qu'ils ne viendront pas jouer ici, ben je leur souhaite bon succès pour la suite. Puis je leur souhaite bonne chance pour le coup. Vous avez parlé tantôt de la difficulté de recrutement. Évidemment, il y a trois collèges qui tentent de recruter des joueurs. Là. Puis le football ici en région, là, c'est pas une pente montante. Là. C'est même une pente ascendante. On tente de relancer par tous les moyens de football. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est très difficile. On se le cachera pas. L'an passé, la Ligue de football régionale, qui normalement existe avec des équipes comme Chibougamo, Charles Gravel, Robert Dahl, des équipes comme ça, n'ont pas eu lieu l'an passé. Donc, il n'y a pas eu d'équipe juvénile. Donc, il y a seulement trois équipes de football sur le territoire de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont des joueurs qui ont joué au football l'an passé. Il y avait une quinzaine de vétérans à Dominique Racine. Il y avait une quinzaine de vétérans à Allemagne. Puis il y avait environ 7-8 finissants aussi à Saint-Élysée. Donc, ça ne fait pas beaucoup de joueurs pour trois équipes collégiales. Puis on ne se cachera pas sur 15 joueurs. S'il y en a 5 qui ne vont pas au cégep parce qu'ils font des DEP, il y a des joueurs aussi qui ont des problèmes au niveau scolaire. Donc, ils vont peut-être prendre une année supplémentaire au niveau du secondaire. Donc, on se ramasse que ça ne fait pas beaucoup de joueurs. Donc, il faut devenir créatif. Pour sortir de la région, pour nous, tu sais, les équipes de Québec, ils viennent ici chercher des joueurs. Donc, nous aussi, on va à Québec maintenant. Moi, je recrute beaucoup en Beauce. On va jusqu'à Sept-Îles, à Bécomo. Donc, c'est, à un moment donné, c'est de devenir créatif. C'est d'utiliser les ressources qu'on a à l'extérieur de notre région, parce que dans la région, en ce moment, c'est très, très, très, très, très. Est-ce que je suis Gamo avec Serge Bouchard? Parce que Serge a quand même des bons contacts, il a monté un bon programme de football à Chipougamau. Est-ce que vous travaillez également avec Chipougamau? Oui. Oui, ben justement, là, j'étais supposé d'aller les voir. Okay. J'ai eu un petit accident dans le temps des fêtes. Mais normalement, là, dans les prochaines semaines, là, je devrais être à Chipougamau, je vais aller les voir. Même si les joueurs n'ont pas joué l'année passée, les joueurs sont avec Serge Bouchard, ils travaillent depuis plusieurs années. C'est des gars qui ont eu des belles équipes dans le ils ont eu des belles équipes dans le juvénile aussi par le passé. Donc oui, Chipougamau, c'est une équipe qu'il ne faut pas les oublier, même s'ils sont pas à Saguenay. Je veux dire, à Chipougamau, il y a toujours eu, historiquement, il y a toujours eu beaucoup de joueurs qui viennent jouer dans les cégeps de la région. Et à Jonquière, et à Alma, et à Chicoutimi. Donc, non, ils ne sont pas à négliger, sauf que l'année passée, ils n'ont pas eu d'équipe. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est plus difficile. C'est sûr que pour nous aussi, il y a des joueurs qui n'ont pas joué pendant un an. Ouais. Quand on arrive pour faire du recrutement, ben c'est pas grave. Les apprécies, ça vient avec nous, ils viennent faire les pratiques d'hiver, ils reprennent la forme. Donc, les choses se font quand même. C'est pas un problème, sauf que pour pouvoir recruter des joueurs, des fois, c'est plus facile de les voir jouer pendant leur saison. Donc, moi, j'ai pu voir jouer cette année des joueurs de Saint-Félicien, des joueurs d'Alma et des joueurs de Dominique Racine, étant donné que je coachais là-bas. Donc, moi, j'ai pu voir ces trois équipes-là. Donc, je connais les joueurs de ces équipes-là. Quand je recrute, par exemple, à Chibougamo ou je vois ailleurs, c'est plus difficile parce que les jeunes, je les connais. OK, ouais, c'est sûr. Donc, j'apprends à les connaître avec les pratiques d'hiver. On les invite dans nos camps. Donc, après ça, ils vont faire partie de l'équipe et il n'y aura pas de problème. C'est juste qu'au départ, c'est plus difficile le contact étant donné qu'on ne les a pas vus jouer cet automne. C'est ça qui est. Ben, Nick Menacci, félicitations. Et bravo pour la signature d'Alexandre Voisine. Puis, gênez-vous pas si vous avez des joueurs du Haut du Lac. Gênez-vous pas, on est là pour ça. C'est super. Puis, même chose pour vous. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de Nick Menacci, l'instructeur de l'équipe du Cégep de Chicoutimi au football.